Donc, bonjour à tous. Alors, je vais donc vous présenter pendant une quarantaine de minutes ce que on a découvert des grands aménagements donc du vallon de Marly, effectivement dans le cadre de la construction de l'ensemble de bâtiments qui ont été édifiés et puis aussi donc les jardins bien sûr. Comme il vous a été expliqué, je suis géotechnicien et il m'a semblé utile, comme vous êtes un public qui n'est pas forcément connaisseur de géosciences et de géotechnique en particulier, de définir ce mot. Et vous allez voir qu'au début de la présentation, je vais essayer de justifier un certain nombre de choses avant d'en arriver au sujet. Donc la géotechnique, voici un diagramme que j'ai construit à l'occasion de cette journée. Ce n'est pas ce que j'expliquais aux étudiants ces dernières années. Je disais que la géotechnique, c'était la géologie au service du domaine de la construction. Mais c'est un peu abusif parce que dans ce cas-là, il faudrait parler de géologie de l'ingénieur. La géotechnique, en réalité, intègre énormément une des disciplines des sciences physiques, qui est la mécanique, et donc qui, conjointement à la géologie, du coup, servent ensemble le domaine de la construction, et même plus généralement de l'aménagement. Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est plutôt d'aménagement qu'on parlera. Et donc, ce domaine de l'aménagement et la construction connaissent bien une interface avec le sol. Donc ce sont bien sûr tous les systèmes de fondation auxquels on s'intéresse, également tout ce qui relève des constructions dans le sol, en particulier les tunnels, les cavités enterrées, donc construites en tout cas. Et puis on peut aussi penser aux constructions avec le sol, par exemple les digues, les grands remblais, les levées de terre, comme on disait au XVIIe siècle, et puis ces structures qui sont contre le sol, comme les murs de soutènement. Donc murs de soutènement et terrassement sont deux sujets particuliers du domaine géotechnique, et c'est de plus particulièrement de cela dont il sera question durant cette présentation. Alors, justifions maintenant la raison pour laquelle, tout à coup, il y a 2 ans, je me suis mis à travailler avec des étudiants dans le domaine du parc de Marly-le-Roi. Alors, comme vous voyez sur cette photo, on est dans un des lieux de ce parc, l'allée du théâtre de Bacchus. Vous voyez que ici, on a un panneau indiquant donc qu'il y a danger. En tout cas, on suppose qu'il y a un danger avec ces murs de soutènement. Ce type de panneau se retrouve en plusieurs endroits du parc. Donc, nous sommes avertis. Alors, en juillet 2013 précisément, au même moment, s'effondrait donc la partie basse d'un des murs donc de l'allée royale, l'entrée principale, en tout cas au temps de Louis XIV pour les invités au parc. Et ce mur donc s'est effondré pour un certain nombre de raisons. Il a fallu le reconstruire. Et donc le choix de l'architecte en chef des monuments historiques de l'époque a été donc de réaliser un mur en béton armé en T, c'est-à-dire avec de très fortes fondations superficielles, et puis avec un habillage en meulière pour donner l'illusion que rien n'avait changé. Je me suis douté à ce moment-là qu'il y avait sûrement, moi qui étais juste un simple promeneur dans ce parc, qu'il y avait un dossier géotechnique derrière, qu'il y avait eu des études, des sondages. Et pour moi, ça permettait donc d'envisager, de proposer un sujet d'étude pour nos élèves qui, donc sur les 5 années de formation que dure l'école, sont en 3e année, donc au niveau licence 3. Et donc, après un certain nombre donc, de démarches, réussi à donc, contacter Annie Keitzmann, que je remercie fortement aujourd'hui, d'avoir eu la confiance nécessaire pour nous confier un travail conjoint, un travail scientifique et pédagogique, donc avec des étudiants, sur le sujet des murs de soutènement du parc de Marly-le-Roi. Et c'est ainsi que, donc, sur l'année 2014-2015, deux de nos étudiantes, Alice Ankar et Marion Vanek, ont étudié la stabilité des murs de soutènement. Donc, bien sûr, derrière, c'est ce qu'on appelle un mémoire d'initiation à la recherche. Donc, il y a un intérêt méthodologique pour les étudiants, disons pédagogique, et puis cet intérêt scientifique qui était d'essayer, en tout cas, de commencer à estimer cette stabilité. Donc, avec la notion de sécurité pour le public, c'est un domaine qui reçoit du public, ce parc de Marly-le-Roi. Et puis bon, les choses ont bien avancé, mais nous avons été plus lents que prévu, notamment parce qu'on a essayé de comprendre comment au XVIIe siècle on dimensionnait les murs de soutènement. Moi, je n'y connaissais pas grand-chose à cette époque. Et puis je réalise que finalement le dimensionnement au XVIIe siècle par le calcul n'existe pas. Donc au terme de cette enquête, on se rend compte qu'il y a encore des choses à faire. Donc L'année dernière, en 2015-2016, les travaux se sont poursuivis, toujours sur la même thématique, mais avec une approche un peu plus, disons, descriptive. C'est-à-dire qu'il y a eu un essai d'inventaire général, bon, avec un point de vue de géotechnicien, donc pas du tout avec la qualité, sans doute, de ce que serait un travail d'archéologue, mais pour essayer de faire le point sur l'ensemble de ces murs, disons, dans le parc de Marly-le-Roi, au sens actuel du terme, c'est-à-dire dans la zone qui est actuellement sous responsabilité de l'établissement de Versailles. Alors, durant cette première année, donc 2014-2015, j'ai donc appris qu'il y avait eu, en 2011, une reconnaissance au LIDAR, hein, donc au laser, par hélicoptère, de la topographie donc, du vallon de Marly-le-Roi. Et en voyant cela, et puis au cours de nos discussions, nous avons pensé qu'il était également utile de lancer un autre type de sujet, mais toujours géotechnique, sur les terrassements. La grande question des terrassements qui ont été nécessaires donc, à la réalisation du projet de Louis XIV. On voit très bien sur la partie droite, notamment de ce document, qu'il y a eu une intervention lourde dans le parc. Et puis, l'intérêt aussi du LIDAR, c'est qu'il permet, vous voyez ici une édition, enfin une sortie donc de ce même LIDAR, mais en 3D, avec le logiciel ArcGIS, que je maîtrise depuis une semaine. Et donc, en fait, c'est juste une nouveauté pour cette présentation. Mais ce type de représentation, disons, tridimensionnelle, permet aussi de faire intervenir une discipline des géosciences qu'on appelle la géomorphologie. Alors, ce qui est sûr, c'est que donc, nous avons ajouté l'année dernière, en 2015-2016, donc, avec trois autres étudiants, Robin Damaris, Clément de la Fontaine, Quentin Vincent, donc, des étudiants d'ailleurs qui sont dans la formation courte de notre institut, donc, qui sont formés à techniciens supérieurs en géologie. Et donc, eux ont fait énormément de mesures dans le parc de Marly-le-Roi au moyen de méthodes géophysiques et géotechniques, dont on découvrira synthétiquement les résultats tout à l'heure. Alors, il me semble utile, notamment pour ceux d'entre vous qui ne seraient pas familiers avec le parc de Marly-le-Roi, de vous situer quand même un peu les choses, plus agréable comme ça de rentrer en matière. Donc, vous avez ce polygone en noir là au centre de l'image aérienne, les limites approximatives hein, actuelles donc, du parc de Marly-le-Roi. Et puis, on peut situer aussi avec la même image eh bien Saint-Germain et Versailles. Alors, les points orange indiquent à chaque fois l'emplacement du château qu'il existe ou qu'il n'existe plus. Bon, à Marly-le-Roi, il n'existe plus. On voit ainsi que Saint-Germain et Marly sont quasiment exactement sur le même méridien. On a dit parfois d'ailleurs que Louis XIV voulait avoir une vue sur cette ville de Saint-Germain où il était né. Il semblerait néanmoins que, à cause de la topographie justement, on ne puisse pas voir Saint-Germain et son château directement depuis Marly. Mais en tout cas, ils sont sur le même méridien. Bon, quant à Versailles, vous voyez qu'on est à quelques kilomètres. Les distances donc, sont données ici. Donc quelques kilomètres à franchir pour aller de Marly-le-Roi vers le nord à Saint-Germain ou vers le sud à Versailles. Bon, en tout cas, ce sont des distances à vol d'oiseau. Alors, les altitudes, pour le sujet qui nous intéresse maintenant, la question des altitudes n'est pas négligée. On a donc un relief qui finalement connaît un point haut entre Marly-le-Roi et Versailles, à l'endroit où se trouve l'autoroute A13. On a à peu près l'altitude de 180 mètres. Alors NGF, c'est Nivellement Général de la France, ça veut simplement dire altitude par rapport au niveau moyen des mers, hein, par rapport au marégraphe. Et puis, de part et d'autre de ce point haut, eh bien, on descend plus ou moins en pente douce jusque Versailles, puis jusque Marly. Quand on ajoute, donc, on superpose à cette première image une carte donc, qu'on pourrait appeler un modèle numérique de terrain hein, sur la même région, on se rend bien compte donc, dans les tons blancs des zones d'altitude, alors altitude donc autour de 180 mètres. La vallée de la Seine est le niveau de Seine est à peu près à 25 mètres NGF, donc vers Croissy-sur-Seine. Et puis Marly-le-Roi donc est entre ces points hauts et puis le niveau de Seine. Alors plus précisément, quand on regarde avec un extrait de la carte à 25 000 de l'IGN, donc nous découvrons le même polygone mais de plus près. Et puis donc les altitudes sont de 170 mètres NGF au sommet du tapis vert, hein, pour ceux qui connaissent. Et puis au pied du mur de soutènement de l'Abreuvoir, on est à 100 mètres NGF. et la distance entre les deux est de environ 1 km. Donc ce que l'on réalise tout de suite, c'est que par rapport à Versailles, les dénivelés globaux dans le parc sont beaucoup plus serrés, le dénivelé, enfin, les pentes sont plus importantes, on a une pente globale de 12% si on fait une moyenne, à 8 degrés. Et puis, il y a un dénivelé absolu qui, avec ses près de 70 mètres, donne plus de potentiel aussi de l'utilisation des lois de l'hydraulique pour des fontaines par rapport à Versailles, où le dénivelé est à peu près, enfin, moitié moindre pour caricaturer un peu les choses. Hein, par rapport à la hauteur des jets, Marly a un vrai potentiel. Bon, dès lors, en tout cas, que le réservoir d'eau est au sommet du relief, ce qui n'a pas été le cas dès le début, mais ça a été bien sûr un objectif. Alors, puisque nous en sommes encore dans les généralités, il m'a semblé intéressant de résumer la question historique à travers une transcription faite à partir du document donc, qui est le Giffray, c'est-à-dire cet archiviste qui, à la fin du XIXe siècle, a fait un travail de bénédictin, donc retranscrivant tout ce qu'il avait trouvé dans les comptes des bâtiments du roi, qui, moi ça m'étonne, ont été préservés des destructions de la Révolution française. Et donc, sur les 5000 pages de documents, Giffray a eu la bonne idée de réaliser, à la fin de chacun des 5 tomes, des synthèses. Donc, moi, il ne m'a pas fallu beaucoup de temps pour construire ce graphique. Alors, qu'est-ce que l'on voit ? On a donc en abscisse l'échelle des temps de 1675 à 1715, donc on a 40 années du règne de Louis XIV, hein, la mort de Louis XIV en 1715. En ordonnée, donc à gauche, on a des millions de livres. Donc ce qui manque, c'est le mot, oui, millions de livres est indiqué dans le titre. Donc vous avez les courbes qui sont en très plein qu'il faut lire sur donc l'axe des ordonnées à gauche. Donc avec un maximum à 1,5 million de livres au sommet. Ensuite, sur la droite, en gris, il y a une autre échelle qui est simplement 10 fois supérieure et qui permet de lire ce qu'est la courbe grise en pointillé. Alors ensuite, les courbes, que représentent-elles ? Si on commence par celle indiquée Marly avec les petits triangles, eh bien, on découvre donc un peu la vie du parc à travers les investissements qui ont été réalisés en matière de travaux. Alors déjà, la première chose que l'on découvre, c'est que tout commence en 1679. Bon, je passe directement à l'explication des autres courbes pour qu'on puisse ensuite les comparer. Avec donc la courbe et les symboles ronds, nous avons Marly avec uniquement la partie des investissements qui relève du jardinage et des terrassements. Donc c'est un paquet global. On n'a pas le détail, en tout cas avec les synthèses de Giffray. Il faudrait beaucoup plus de temps pour rentrer dans ce détail. Mais en tout cas, c'est dans ce budget-là que se trouve la partie des terrassements. Et puis enfin, à titre notamment, disons, de contexte, de contextualisation de ces chiffres, nous avons la totalité des dépenses des bâtiments du roi, donc bien sûr pour le château de Versailles, qui continue donc pendant toute la période à faire l'objet d'attention, et puis tout le reste, donc Fontainebleau, Saint-Germain-en-Laye, etc. Donc ce que l'on voit, c'est qu'effectivement, à Marly-le-Roi, donc tout commence en 1679, qu'il y a des périodes fastueuses et des périodes de repli assez nettes qui dépendent en particulier du contexte général, du budget de l'État et en particulier donc des bâtiments de France de l'époque. Il y a un pic assez spectaculaire en 1685 qui est considéré, je pense, sans conteste comme vraiment l'année la plus fastueuse du règne de Louis XIV. Et puis, donc, à Marly-le-Roi, nous avons le même type de pic. Alors, si quelqu'un refaisait le travail, il pourrait ne pas trouver les mêmes chiffres que moi en l'année 1685, pour une raison simple, c'est que dans Giffray, on trouve une séparation entre Marly-le-Roi, donc jardins et terrassements, et puis la construction des très grands réservoirs, les trois grands réservoirs qu'on trouve donc sur la partie haute du relief, là, 170 mètres NGF, dans ces eaux-là, qui a été justement réalisé en quasiment une année, en 1685. Donc j'ai considéré devoir ajouter donc le budget de la construction de ces réservoirs à 250 000 livres environ au budget de cette année-là, ce qui peut se discuter. Ensuite, nous voyons que la même année 1685 donc, est vraiment pour tous les bâtiments du roi une grande année de dépenses. avec donc près de 14 millions de livres de dépenses à cette époque-là. Bon, les années 1790-1795 sont une période de repli, et puis ça reprend, hein, donc ça reprend autour de l'an 1700, pour rediminuer, bon, globalement pour rediminuer jusque vers la fin du règne. Alors, ce que l'on peut en tout cas conclure de ce graphique, c'est que les dépenses pour les jardins et les terrassements sont un poste de dépense sur 12. Et il représente systématiquement de 20 à 30% des dépenses à Marly-le-Roi, ce qui montre l'importance qui est donnée à ces travaux-là, donc en particulier des terrassements. Et puis par ailleurs, on se rend compte que la maçonnerie arrive souvent en numéro 2, sauf au premier exercice. Ça correspond aussi assez bien, avec les chiffres ici, à ce que l'on découvre en lisant Le Maroteau, hein, qui est donc le livre de référence sur Marly-le-Roi, écrit en 2002, dans lesquels il est précisé que le roi Louis XIV accordait beaucoup d'importance au jardin, même par rapport au reste. Donc là, on aurait des arguments pour le justifier. Ce que l'on voit aussi, et puis je m'arrêterai ensuite là pour ce document, c'est que pendant toute la période où Marly-le-Roi a existé, pendant la période de Louis XIV jusqu'en 1715, il y a eu des dépenses dans le parc de Marly-le-Roi. Ça n'a jamais vraiment cessé. On n'en est jamais vraiment arrivé au point qu'il n'y ait plus que des dépenses d'entretien qui seraient restées plus résiduelles encore que ce que l'on trouve dans les années 1690-1695. Par ailleurs, ça montre aussi que ce qui est compliqué quand on s'intéresse à l'aménagement du parc de Marly-le-Roi, c'est que rien qu'à travailler sur la période de Louis XIV, il y a, disons, une stratification de projets qui sont prévus, réalisés parfois, parfois non. Et lorsque l'on regarde les documents d'époque, cartes et documents, on peut toujours se demander si on a affaire à une source fiable ou pas. Et surtout quand on n'est pas du tout spécialiste d'histoire et d'archives, comme c'est mon cas. Donc voilà pour cette question historique. Pour poursuivre encore dans ce grand préambule, je pense qu'il peut être aussi agréable de voir un certain nombre de vues du parc de Marly, puisque pour là encore, ceux qui ne se promènent pas régulièrement dans ce parc, il serait un petit peu difficile de comprendre ce dont on parlera dans la suite si vous n'avez pas un minimum d'éléments. Donc les voici. La vue là, peut-être une des vues les plus célèbres du parc de Marly-le-Roi, c'est une vue où on ne voit pas le parc de Marly-le-Roi, puisqu'il est masqué très savamment, d'ailleurs, par un calcul d'angle, par un mur de soutènement, donc comme une digue, si vous voulez, qui contient des remblais qu'on trouve en arrière, donc abreuvoir qui est encadré de part et d'autre par les chevaux de Marly, bon, en tout cas les actuels chevaux de Coustou, donc sont des copies. Et puis, donc cette vue-là permet de se rendre compte que le roi et ses invités peuvent voir sans être vus. Et néanmoins, le génie humain donc permettait, avant même l'époque où on pouvait voler dans les airs avec des ballons à la fin du XVIIIe siècle, on pouvait concevoir ce qu'était une vue aérienne de Marly-le-Roi. Donc c'est une conception géométrique, une vue impossible, si vous voulez, pour cette époque-là. Pour nous, c'est pratiquement indifférent. Et pourtant, c'est à partir de cela qu'on peut avoir à la fois le point de vue de l'aval du parc et en même temps la vision du parc. Et qu'est-ce que l'on y découvre? Eh bien, un certain nombre d'éléments, je ne vais pas les citer de manière systématique et exhaustive, mais les plus importants, à mon sens, les voici. On a bien sûr l'abreuvoir, le château, les pavillons du levant. On devine que de l'autre côté se trouvent les pavillons du couchant. Donc, à gauche, on a l'est et à droite, on a l'ouest. Ensuite, on la devine plus ou moins dans le paysage, comme une saignée dans la forêt, l'allée royale. Disons entrée principale pour les invités. Un certain nombre de bassins, je donne les noms de deux d'entre eux qui sont peut-être les plus importants, donc le grand miroir, sans conteste, et puis les grandes nappes. Un certain nombre donc d'allées très plates, pas du tout naturelles, et que j'appellerais des allées en gradin. Bon, il y a 3 degrés entre le grand miroir et puis l'allée correspondant au pavillon. On a au loin, on le devine, donc le tapis vert qui, à un moment donné, fut une rivière. Donc une très grande esplanade donc qui suit la topographie. Il ne faudrait pas oublier non plus les communs, donc un certain nombre de bâtiments qui n'avaient pas tous été prévus au projet initial, mais qui étaient nécessaires pour que la logistique du parc et aussi la sécurité du roi puissent être assurées, donc les communs. Et puis, parmi les communs, on trouve la chapelle, qui finalement n'a pas une place aussi visible, en tout cas, qu'au château de Versailles. Alors, cet ensemble-là, donc, a connu une destinée que vous connaissez. Tout fut détruit, mais en fait, non pas détruit, mais démantelé au début du XIXe siècle, hein, donc par un industriel désargenté, ce qui fait qu'aujourd'hui, il ne reste pratiquement plus d'ouvrages en élévation dans le parc, ce qui donne d'ailleurs leur intérêt particulier aux structures maçonnées que sont les murs de soutènement, comme témoin de techniques de construction de l'époque. Ce qui n'est pas, donc, en tout cas, en rouge, existe encore aujourd'hui dans des états qui sont soit très proches de ceux qui existaient à l'origine, bon, je pense que oui, en tout cas pour l'abreuvoir, et pour les autres éléments, bon, restitués plus ou moins. Le grand miroir, par exemple, n'a plus ses cinq fontaines, en tout cas celles indiquées par le tableau. Donc ça permet de se rendre compte que le parc n'est peut-être plus que l'ombre de lui-même, si ce n'est tout de même qu'il y ait eu de très grands aménagements et que ceux-là sont restés. Alors, nous avons donc à poursuivre notre découverte du parc à travers quelques photos, et je les situerai avec le lidar dont j'ai parlé tout à l'heure. J'ai indiqué aussi avec ce trait discontinu, là au centre, l'axe de symétrie plus ou moins nord-sud qu'il y a donc dans le parc. Alors, les deux premières images donc sont prises sur cet axe de symétrie en direction du sud. Et donc, vous voyez sur l'image à la pastille bleue, une vue depuis la petite terrasse donc, qui est au-dessus, derrière le mur de soutènement de l'abreuvoir, et qui permet de voir au loin le tapis vert. On a presque l'impression que le site est plat jusqu'au pied du tapis vert, probablement parce qu'à cet endroit-là, vous êtes sur des remblais, donc on n'est pas au niveau topographique originel du vallon, mais au-dessus. Et puis, vu depuis la zone de restitution de l'ancien château, une vue plus rapprochée du tapis vert, qui est donc une des vues majestueuses du parc. Ensuite, pour prendre un axe grossièrement est-ouest, des vues donc depuis l'entrée, une des entrées disons, du parc aujourd'hui, près du musée Promenade. Vous avez ici l'allée royale. Et donc qui est extrêmement rectiligne, hein, qui a une pente régulière. Et puis de l'autre côté, eh bien, vu depuis comme ce balcon quoi, qui est une vue un peu plus rapprochée d'ailleurs en distance vers le château, on voit que déjà il y a un dénivelé plus fort, du coup qui a été rattrapé par des escaliers. D'ailleurs, le projet, si j'ai bien compris, le projet initial pour Louis XIV, c'était de donner accès au parc par cette entrée ouest, et puis finalement il y a eu un changement, probablement pour des raisons justement de relief. D'autres vues encore, donc une vue, je dirais, standard sur les allées en gradin et puis le grand miroir. Et puis une autre vue prise de l'autre côté, vers l'ouest, vers le sud-ouest, qui permet de se rendre compte à quel point donc, il y a vraiment un modelage qui a été réalisé, qui aujourd'hui s'efface petit à petit, mais un vrai modelage qui a permis donc, presque de faire comme un moulage à travers les terrains de ce parc. Ensuite, des vues un petit peu plus intimistes hein, pour Marly-le-Roi. Vous savez que plus de la moitié est couvert par de la forêt. Donc, pour la vue avec la pastille orange, là, nous sommes un peu en amont d'un endroit qu'on appelle le théâtre de Diane. Et vous voyez que la zone est entièrement forestière. Et aujourd'hui, si on n'avait pas d'éléments historiques et qu'on n'observait pas avec attention ce que l'on a autour de nous, on ne verrait qu'un chemin forestier qui aboutit donc à la zone où se trouvent le grand jet et le château. De l'autre côté, changement d'ambiance. On est pourtant sur un axe vraiment symétrique hein, par rapport à l'axe majeur du parc. C'est une vue depuis donc l'arrière du théâtre de Bacchus, donc en vis-à-vis du théâtre de Diane. Bon, et puis dans ce théâtre de Bacchus, on a une statue de Diane. aujourd'hui. Mais vous voyez qu'ici, donc, il y a une intervention, je dirais, en termes d'aménagement, qui est manifestement différente. Et puis, pour terminer, donc, cette découverte par quelques photos, ici, donc, une vue qui permet de voir ce qu'on appelle la demi-lune. En tout cas, c'est une possibilité pour la désigner. La demi-lune, c'est-à-dire comme tout un secteur qui a une forme en croissant et qui permet, on pourrait dire qu'elle vient faire une espèce de frontière entre la zone forestière et la zone de l'esplanade du château. Donc, avec ici une vue vers l'ouest et puis une vue de l'autre côté vers l'est, donc, où on se rend compte que cette demi-lune est particulièrement marquée par un haut mur de soutènement. Et donc, ce mur de soutènement, on pourra toujours d'ailleurs préciser qu'il a été entièrement refait au XXe siècle, mais il existait déjà donc, au XVIIe siècle. On a même l'impression qu'il avait été construit avec des contreforts, sans doute parce qu'on pensait que les poussées pouvaient être importantes. Et puis, le résultat de tout ça, c'est que Perel, là, au début des années 1680, en représentant le parc qui est en cours de construction, hein, c'est vraiment la période initiale à ce moment-là, a l'impression, vous le voyez bien avec son horizon correspondant à peu près à la forme de cette demi-lune, a l'impression qu'on a un relief qui lui-même est devenu un théâtre dont l'objet est ce château. Donc Paris réussit pour les aménageurs du parc, enfin, en particulier donc Jules Ardoin-Mansart, hein, qui est vraiment l'homme de la réalisation de ce parc. Bon, parfois il y a des discussions pour les rôles de Lebrun et le nôtre. Enfin, Jules Ardoin-Mansart a vraiment le dessus, sans doute, pour toute la conception de ce projet. Alors revenons donc au LIDAR qu'on a évoqué tout à l'heure, et venons-en donc aux premières questions relatives au terrassement, questions qui pour certaines peuvent se résoudre sans nul besoin, enfin sans recours aux géosciences et tout ce que nous avons fait avec les étudiants. Vous avez donc ici j'ai superposé la zone où se trouve le château, et puis là ce sont simplement les allées sur lesquelles se trouvaient les pavillons. Donc la question des terrassements peut se résumer simplement à la question donc, de connaître les volumes de terre qui ont été déplacés. On sait naturellement qu'il y en a eu. Et tous ces raisonnements-là reviennent simplement à répondre à la question, mais à quoi ressemblait le relief d'origine? Est-ce qu'il a fallu véritablement faire de très gros travaux, ou bien est-ce que le relief était naturellement proche de celui qu'il est aujourd'hui? Il a simplement fallu faire des retouches locales. À partir de ce type de raisonnement, on peut aussi se demander si on a travaillé en circuit court. C'est-à-dire, vous déplacez des terres dans un endroit, donc ça s'appelle un déblai, on déblaie les terrains. Si vous les remettez ailleurs, donc en remblai, c'est-à-dire en élévation de terrain, tout le travail peut se faire localement, c'est parfait. C'est-à-dire qu'il n'y a plus besoin d'évacuer des matériaux ou bien d'en faire venir de nouveaux. Donc on peut aussi avoir comme première hypothèse sur ce genre de travail de travailler à volume constant, c'est-à-dire où remblais et déblais représentent le même volume. Et à ce moment-là, ça devient un jeu où on essaie de savoir qu'est-ce qui a pu être retiré et qu'est-ce qui a pu être ajouté. Alors, dans ces questions-là, il y en a pas mal dont on pourrait parler, mais j'en retiens deux. Disons, j'ai deux zones dans lesquelles on peut travailler. Premièrement, la zone donc de l'allée royale que nous avons vue tout à l'heure, entrée principale du parc au temps de Louis XIV, pour les invités. Vous voyez ici que quand nous avons vu la photo tout à l'heure, il y avait donc cette impression donc de linéarité, hein, un espace vraiment rectiligne, avec ces murs de 3 mètres de haut à hauteur constante tout le long, quelque chose de très régulier, de très symétrique, vraiment, je dirais, issu de l'esprit humain et de la géométrie. Ce que l'on voit avec le LIDAR, c'est qu'en fait, dans le relief, il n'y a aucune régularité. Il y a même plutôt en amont une zone, disons, à inclinaison régulière, mais subhorizontale. Et puis, pour la partie donc plus basse, la pente s'accentue. J'ai représenté ici un schéma qui est complètement... c'est juste pour donner une idée de la situation, dans lequel on voit la zone d'entrée du parc qui correspond à ce coin-là, et puis cette cassure de pente. Et vous voyez qu'avec un mur de soutènement tel qu'il a été réalisé, finalement, cette variation dans le relief ne se sent plus. Alors on pourra toujours dire qu'on verra bien les déblais qui se trouvent sur les parties supérieures. Et c'est peut-être ce qui vient expliquer la raison pour laquelle vous aviez des alignements d'arbres qui étaient prévus justement près des murs de soutènement, que ce soit au pied de ces murs et en particulier au sommet des murs, pour faire comme un masque, accentuer, disons, le côté droit de cette arrivée. En tout cas, c'est ce que l'on peut imaginer. Ensuite, la deuxième zone très intéressante qui puisse être étudiée est celle justement où on retrouve donc la demi-lune dont j'ai parlé à l'instant, le bassin du Granger, le château. Et voyez ici que donc nous sommes sur, avec cet axe-là, sur le grand axe majeur, nord-sud, on va dire, du parc. Alors, en 1685, on a ce plan, donc un plan anonyme, dans lequel nous découvrons que les aménagements ont été surtout concentrés sur la partie nord du parc, et puis la partie forestière est juste marquée par un certain nombre de chemins forestiers, chemins de chasse par exemple, et puis ici on trouve un chemin ancien qui existait avant que le parc ne soit aménagé. Et ce que l'on voit, c'est que ce chemin en fait correspond à ce vallon donc qui se trouve ici. Et il n'y a pas du tout, avec le choix de grand axe de symétrie du parc, il n'y a pas du tout, ça ne marche pas très bien, disons, dans ce talweg bifide. Alors je m'explique, un talweg, c'est en géologie un vallon incliné, bifide, c'est qu'il est à deux branches. On voit quand même qu'il y a cette branche vers l'est, une branche ouest, mais sans qu'on puisse y trouver de symétrie, la nature quand même est rarement comme ça, avec cet axe qui avait été déterminé dès le début du projet. Donc ici, pas de symétrie dans cette direction-là, contrairement, en tout cas par rapport au chemin qui lui indique l'axe, les points bas, disons, de ce talweg. Ce que vous voyez au passage, c'est que très tôt, on a eu l'idée d'aménager une esplanade montante qui est devenue plus tard une rivière. Et cette esplanade, quand on regarde le relief, on voit qu'il y a peut-être eu des travaux de terrassement ici, mais mon idée actuelle, c'est qu'il n'y a pas eu finalement beaucoup d'efforts à faire pour installer le tapis vert et la rivière dans le relief, qui prend simplement la pente moyenne et puis remblait et déblait localement au gré des besoins. Donc la vraie difficulté se trouve plutôt dans cette dissymétrie. Alors cette dissymétrie, elle a aussi pour conséquence, vous voyez que sur donc à gauche, là vers l'est, nous avons un relief qui monte tout de suite. Et puis ici on a un mur contre des blés, un grand mur de soutènement que vous avez vu tout à l'heure. Tandis que de l'autre côté, finalement le relief descend beaucoup plus rapidement et on a toujours le même mur. Donc c'est comme si finalement l'astuce de l'aménageur, ça a été de tromper l'œil en faisant croire que grâce à ces toujours au mur de soutènement, comme dans l'aile royale, il y avait comme une symétrie naturelle, et puis laisser pousser la forêt, et puis on n'y verra que du feu. C'est vraiment le côté trompe-l'œil qu'on retrouve aussi plus dans les décorations du château connues par les archives. Alors, de ce fait, ici, il y a un lieu qui est donc cette ligne ici, où le relief, on peut considérer que cette zone-là n'a pas été particulièrement terrassée, sinon on ne comprend pas pourquoi, pour des raisons de symétrie, on ne l'aurait pas fait de l'autre côté. Donc on a un lieu en dépression, et puis ça s'arrête à peu près à cet endroit-là. Donc le grand mur de soutènement ici est un mur de soutènement au même titre que celui de l'autre côté, et là, ça devient pratiquement un trompe-l'œil. Donc on a été au point de réaliser des faux remblais, c'est-à-dire de donner un départ de pente que l'on voit ici. Donc si l'on prolonge ce trait-là donc sur la vue, vous voyez que là, on devine les pentes supérieures que l'on trouve ici. Et puis de l'autre côté, on sent que derrière, il y a peut-être moins de pentes, mais avec les grands arbres, on ne sait pas trop. Et puis en plus, il y a ce masque ici. Mais ce que l'on devine, c'est qu'il y a un remblai continu. Enfin, disons qu'ici, il y a un remblai, il passe progressivement en déblais. C'est-à-dire que ce tas de terre ici, il a été ajouté derrière le mur pour pouvoir mieux masquer cette différence topographique. Alors, en 1712, au plus tard, eh bien, on s'y maîtrise. Donc cette zone-là du parc, avec un travail de terrassement vraiment colossal, c'est typique d'un chantier royal. Et voyez que on a donc construit à ce moment-là ce que vous avez vu tout à l'heure sur la photo, le théâtre de Bacchus, entièrement excavé dans le relief. De manière, la topographie le montre bien aujourd'hui, les deux allées, celle de Diane et celle de Bacchus, sont exactement à la même pente et aux mêmes altitudes. Donc il y a eu un travail de nivellement assez savant d'ailleurs, parce qu'il n'y avait pas de vision directe entre les deux côtés, mais on savait faire. Et donc, théâtre de Diane et théâtre de Bacchus peuvent enfin offrir aussi près du château cette vision donc de symétrie qui est si importante pour montrer que l'on domine la nature. Alors là-dessus, ce que l'on voit, c'est que bon, aujourd'hui, quand enfin aujourd'hui, il y a encore quelques temps, on pouvait emprunter la route de Bacchus. Une route dont on comprend qu'elle a été construite probablement de façon contemporaine ou postérieure à la construction du théâtre de Bacchus, et une route donc qui, du coup, est obligée de contourner cette zone excavée. Et un autre point intéressant à remarquer, c'est que cette route de Bacchus, elle est telle, si vous l'empruntez, que vous ne pouvez jamais voir le château. Mais ça veut plutôt dire que le château ne vous voit jamais. Donc il y a tout lieu de penser que cette route de Bacchus est tout simplement une voie de service qui permet de connecter la partie supérieure du parc et la partie inférieure. Vous aviez tous les communs plutôt installés à l'ouest, hein, que vous avez vu tout à l'heure. Et en particulier, ça a une conséquence intéressante pour le géotechnicien, c'est que ici, donc, vous avez une zone de faux remblai, mais là, vous avez une zone de déblai tellement étroite qu'elle est protégée par des murs de soutènement. On se demanderait sinon pourquoi on n'aurait pas laissé cette voie en altitude. Mais bien parce que l'on veut masquer cette voie, sa vue, le bruit engendré, etc., donc de la zone où se trouve le château. Donc voilà pour l'exploitation du lidar sur deux exemples. Et maintenant, venons-en. Alors j'ai combien de temps? 10. Très bien. Ça ira. Ici, on a donc un plan que j'ai tenu à vous montrer, donc on trouve dans le Maroto, dont vous avez les références là-haut, qui est un plan donc daté donc enfin, des années 1678-1679, et c'est un plan du parc avant toute intervention donc d'aménagement par Ardoin Mansart, Jules Ardoin Mansart. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est qui avait qu'avait Jules Ardoin Mansart dans son esprit au moment où il devait faire un choix aux conséquences lourdes, qui était celui de choisir le grand axe du parc. Grand axe qui passait par le château, bien sûr, axe principal, et puis axe secondaire, donc est-ouest, passant également par le château. Mais le grand axe, donc celui-ci, est le plus important de tous pour comprendre la structure du parc. Mais sur quoi s'est-il appuyé dans ce décor, hein, quand vous allez sur place aujourd'hui, ça peut paraître simple à comprendre, mais en ce temps, le terrain à modeler naturel, pas si évident que ça. En plus, vous avez bien vu que ici, du côté sud, on n'a pas de régularité franche. Qu'est-ce qui a permis de choisir cette direction-là plutôt que, par exemple, un nord parfait? Pourquoi pas avoir cherché carrément d'être dirigé vers le nord géographique? On aurait pu l'envisager, pourquoi pas? Alors, ici, vous voyez que. Alors, j'ai remis le kilomètre de longueur de ce parc. Le chemin que nous avons vu tout à l'heure sur l'image LIDAR. Et donc, quelques autres remarques que l'on peut faire avec ce plan. On a ici indiqué des grands prés, des terres à marée. Il y a des indications donc de cours d'eau. Alors. L'aqueduc, c'est clair, il est canalisé. Quant au ruisseau, il peut très bien l'avoir été parce que ce site a été quand même occupé bien avant l'arrivée de l'équipe de Jules Ardoin Mansart. Donc, il n'est pas certain que ce soit topographiquement un point bas que ce lieu-là. En tout cas, s'il ne l'est pas, ça montre à quel point le parc a été fortement aménagé, puisque si j'ajoute les grands éléments structurants du projet, vous voyez ici. On a le grand miroir, le château, le tapis vert. Si vraiment le point bas du parc se trouvait le long de ce ruisseau, vous voyez bien qu'on a complètement décalé dans le relief l'effet même de la vision du creux topographique du parc. Alors, pour la question de l'axe de symétrie globale, moi, l'idée que j'en ai aujourd'hui, alors il y aura peut-être mieux à dire là-dessus, c'est simplement que nous avons ici une route qui monte vers le bourg de Marly-le-Roi, la route de Saint-Germain-en-Laye, et puis là, un éperon qui, si je retire donc ces éléments-là, dès le plan de 1678-1679, est indiqué cette limite basse de parc, hein, qui est importante parce qu'elle vient fermer le parc par un endroit où il peut être vu assez facilement. Et donc, cette fermeture du parc est décidée, et l'axe, la médiatrice de cette figure géométrique, est cet axe-là. Donc, à se demander si ce n'est pas l'éperon ici, et donc la zone de l'abreuvoir, qui a déterminé tout le reste. Alors, à partir de là, donc, nous allons partir enfin sur de la géoscience avec les questions que sont quels sont les matériaux qui ont été terrassés donc, dans les années 1680, et puis cette eau, mais d'où elle vient, pourquoi est-elle là? Au passage, d'ailleurs, vous voyez, mais ça, il en sera question de nouveau, je pense, on voit que tout passe par le château, enfin, en tout cas, la position future du château a quelque chose à voir avec cet aqueduc et ce ruisseau. Alors, il m'a semblé important, je vais le faire très vite, de vous expliquer pourquoi nous avons les matériaux que nous allons découvrir ensuite dans le parc. Alors, c'est de la géologie vue par un géotechnicien, même la géographie vue par un géotechnicien. Donc, vous avez ici la France, et j'ai indiqué le massif armoricain et le massif central, qui sont les vestiges, les grands vestiges de la chaîne hercynienne, donc qui était à son altitude maximum il y a 300 millions d'années. Donc, une chaîne entièrement faite d'un matériau que nous connaissons bien, le granit. Et donc le granit est fait composé de trois grands éléments, quartz, feldspath et mica. Donc le temps passe, et puis bien sûr l'érosion fait son œuvre. Cette chaîne hercynienne est rognée en permanence, son matériau donc se décompose, et puis par les lois de la gravité, elle vient se déposer vers les points bas. Et donc vous voyez que ces points bas, on en trouve en particulier dans tout le bassin parisien, aussi le bassin aquitain d'ailleurs, et donc Marly-le-Roi se trouve dans ce bassin parisien au sens géologique du terme. Au cours de cette érosion, le quartz se transforme en sable, les feldspaths en argile et puis le mica disparaît en solution. Alors comme le niveau marin pendant ces millions d'années ne cesse de fluctuer, il y a une amplitude maximum de 200 mètres tout de même, hein, à cause donc des faits liés au soleil, hein, c'est ce qu'on appelle les cycles de Milankovitch. Le contexte dans lequel ces matériaux se déposent varie, et notamment on sait que les colloïdes, hein, donc l'argile, peuvent aller à de grandes distances, les sables ne peuvent pas le faire. Donc il y a comme une ségrégation qui se fait entre sable et argile. En tout cas, elle est possible. Pour faire le lien avec d'ailleurs le gypse, c'est quand vraiment les niveaux sont très bas, hein, ces situations lacustres. Alors là-dessus, dans les mers de cette époque-là, hein, nous sommes à la période où les éléments biologiques sont nombreux, et en particulier, nous avons des microfaunes, comme des planctons dans les mers, qui sont tout petits, mais dans des quantités énormes, et puis quand ils meurent, ils se déposent sur les fonds marins. Ce qui donne donc le calcaire, une fois qu'il y a eu transformation en roche. Ce qu'on doit ajouter aussi pour la suite, c'est que s'il y a dépôt simultané de calcaire et d'argile, on a ce qu'on appelle une marne. À cause de la gravité, tous ces éléments-là, toutes ces formations, sont horizontales. Donc, on peut avoir, ce qui est le schéma un peu caricatural que vous avez sur la droite, un empilement selon l'ambiance de l'époque, hein, selon l'ambiance climatique, plutôt calcaire, plutôt du sable, plutôt de la marne, plutôt de l'argile, etc. Bon, il y a 20 millions d'années, tout ça s'arrête. En fait, tout le bassin parisien est exondé. La mer disparaît définitivement. Hein, elle n'est pas revenue depuis, en tout cas. Et puis, donc, en tête de ces formations, à Marly-le-Roi, on a une couche de calcaire qui est complètement altérée en argile à meulière. Elle est fracturée par endroits, et c'est ce qui explique que dans les reliefs, vous avez des zones qui ont été préférentiellement donc détruite par la reprise d'érosion. Et donc, le bilan est celui-ci. À Marly-le-Roi, en 1679, avant aussi, nous avions donc, avec les altitudes que vous connaissez, 170 et 100 mètres NGF, un empilement d'argile, de sable et des niveaux marneux. les argiles et les niveaux marneux ont des pentes relativement faibles. Elles ne peuvent pas mécaniquement tenir des pentes plus fortes. Quant au sable, eh bien, elles forment, je dirais, toutes ces sortes de reliefs que nous avons dans toute la région parisienne et souvent couvertes de forêts, puisque difficilement constructibles, justement à cause des pentes. Alors vous avez ici, donc pour faire le lien encore avec ce matin, une vue de la carrière de Cormeil en Parisie, carrière de gypse, mais au sommet duquel on découvre ces empilements, sable de Fontainebleau, hein, pour être plus précis, marne à huîtres, marne verte, et puis les marnes supragypseuses sont sous-jacentes jusqu'à arriver au gypse. Donc vous voyez, l'empilement, tout ça est très horizontal. Alors ces matériaux ont des propriétés donc géomécaniques, mais également hydrogéologiques. Les argiles et les niveaux marneux sont quasi imperméables, et le sable, lui, est perméable. Ce qui fait qu'il n'y a pas de circulation d'eau. Il y a beaucoup d'eau, évidemment, dans les argiles et niveaux marneux, mais ne circulant pas. Pas d'eau libre, si vous voulez, d'eau gravitaire. Donc cette eau, lorsqu'elle est sur l'argile et les niveaux marneux, aurait tendance plutôt à ruisseler, et dans les sables, bah, s'écouler tranquillement. Alors, vous voyez une conséquence. Ici, tous les stagnovillois, s'il y en a, auront reconnu la fontaine de Maison Rouge, que l'on trouve à près de 4 km donc, de l'emplacement du château de Marly-le-Roi, dans un contexte géologique qui est quasiment le même, hein, donc à une altitude comparable de 125 mètres NGF. Et donc cette fontaine de Maison Rouge, comme il est écrit sur ce panneau de l'ONF, hein, sur un versant nord, à la base des sables de Fontainebleau, source déversant leur flot, on est comme à Marly. Et donc, conséquence, hein, nous avons des sources au pied de, de ce niveau de sable. Et bien sûr, une fois que les sources, que l'eau est sortie de la source, comme elle rencontre un niveau marneux, elle aurait plutôt tendance à ruisseler, ce qui fait que si le relief est relativement plat, nous avons donc forcément des eaux stagnantes. Ce qui renvoie au marais que vous avez vu tout à l'heure sur la carte de 1678-19. Alors, puisque nous en sommes à la géologie, nous pouvons en tirer une conséquence intéressante, c'est que on a à Marly-le-Roi un grand miroir qui est en fait, avant tout, avant d'avoir une fonction esthétique, il a une fonction hydraulique. C'est celui de recueillir les eaux des trois niveaux marneux que sont donc le G2A, G1, E7 pour reprendre les termes de la carte géologique. Et donc tous les écoulements venant du sable de Fontainebleau sont recueillis dans ce grand miroir. Alors qu'est-ce qui a pu donner une idée aussi spontanée à Jules Hardouin-Mansart? C'est sans doute qu'il a copié son prédécesseur, le nôtre, qui avait bien compris, après quelques efforts pour drainer le parc du château de Versailles, que c'était inutile de retirer quoi que ce soit. Et donc, il a décidé d'y aller franco, de creuser le grand canal pour recueillir ses eaux, afin ensuite de les drainer à l'endroit qu'il décidait. Et vous avez exactement la même succession géologique entre le parc de Marly-le-Roi et son grand miroir, et le parc donc du château de Versailles et son grand canal. Tous les deux ont pour fonction de drainer les eaux qui sont, dans les niveaux marneux et qui viennent pour la plupart des niveaux sableux. Alors, rapidement donc, le temps manque. Les travaux des étudiants ces deux dernières années, en particulier pour la partie des mesures géophysiques, ont permis de montrer un certain nombre de choses concernant l'utilisation des matériaux du parc. Leurs conclusions sont des conclusions d'étudiants, ils sont assez libres dans leur travail, puis après ils sont évalués, et puis on n'arrive pas toujours à rattraper les choses en fin d'année. Et donc, dans l'état actuel de leur schéma, de leurs conclusions, il y a beaucoup de choses intéressantes, mais aussi mêlées à un certain nombre de considérations hasardeuses. Donc, ce que je retiendrai de leur travail, c'est la chose suivante. Ils ont fait, avec les mesures électriques et sismiques, des simples tarières à la main à 1 mètre de profondeur. Donc ils ont eu l'autorisation. Et ce qu'ils ont découvert, c'est que dans toutes les zones marneuses donc du nord du parc, c'est-à-dire toutes les zones en bleu là ici, on trouve un niveau de sable de Fontainebleau de 50 cm à 2 mètres d'épaisseur. Donc on peut imaginer que pour réaliser cette grande esplanade autour du château, on a rogné dans le relief ici, d'où les murs de soutènement d'ailleurs, bon, essentiellement sur la partie gauche et puis cette partie-ci. Et une fois que ce sable était disponible, puisqu'il était disponible dès le début, on s'en est servi pour réaliser ce qu'on appelle en géotechnique une couche de forme, c'est-à-dire une couche drainante qui évite que les matériaux que vous avez en surface soient trop sensibles à l'eau, hein, pour ensuite y installer les gazons et tout le reste. Et cette couche de forme, probablement, a été installée sur des marnes qui elles-mêmes ont été toutes déblayées, donc plutôt creusées, plutôt que mises en remblai des blés. Ce qui contrevient à l'idée d'ailleurs avancée par le Mercure Galant dans cette fin du XVIIe siècle, disant que Louis XIV a comblé le parc de le vallon de Marly-le-Roi. Il ne l'a pas comblé, il l'a plutôt creusé. Alors, d'où ensuite vient ce sable ? J'ai fait un calcul rapide. Je me rends compte qu'ici, on a dans les... Je vais aller très très vite maintenant. On a ici dans les 150 000 mètres cubes, c'est une estimation. Là on est dans les 70 à 80 000 mètres cubes. On a besoin de 150 000 mètres cubes ici pour cette couche de forme. Je me suis dit qu'il y avait un manque. Alors, est-ce que ça venait du théâtre de Bacchus ? Non, parce que celui-ci est bien postérieur. Est-ce que ça vient éventuellement de ces niveaux de réservoir ? Je ne pense pas aussi pour des raisons historiques, de chronologie. Donc c'est pour ça qu'actuellement je me demande si cette forme très bizarre, alors on le voit peut-être pas très bien sur ce lidar, mais il y a une forme très bizarre ici, qui, disons géomorphologiquement curieuse, qui pourrait peut-être avoir été utilisée comme carrière pour combler donc le manque en sable. Alors pour la suite, ben, les murs de soutènement, je vais aller forcément très vite. De toute façon, ça allait devenir un peu plus technique. Ce que je me bornerai à dire, c'est que la fonction des murs de soutènement, c'est surtout pour gagner de l'espace par rapport à des solutions en talus, ce que montrent bien ces schémas, je pense. L'étude des murs a montré un certain nombre de choses. L'essentiel est construit dans la zone des sables de Fontainebleau, bien sûr, parce que c'est la zone dans laquelle on a tous les reliefs. Donc là-dessus, je ne pense pas qu'on ait fait un exploit à dire une chose pareille. Enfin, il fallait le cartographier quand même. Ensuite, concernant le taux de restauration, c'est-à-dire les murs qu'on peut considérer comme étant originaux de l'époque de Louis XIV, il n'y en a pas plus d'un tiers aujourd'hui. Beaucoup ont été refaits au XXe siècle notamment. Quant à leur état, vous voyez qu'un certain nombre sont dégradés, et surtout sans doute du côté des murs de Louis XIV. Donc il y a sans doute un enjeu de conservation. Il y a eu une campagne de mesure hauteur, épaisseur qui a été réalisée et qui, je vais aller vraiment rapidement, en gros, renvoie pour une étude qui a été faite par des Italiens en 2002. Ici, Marly se trouve avec ses points orange. Là, il y a 1300 mesures de type hauteur, épaisseur de mur de soutènement qui ont été faites à Naples, donc dans les années 90 et début des années 2000. Et voyez que nous, à Marly, des murs anciens, à Marly, on se retrouve un petit peu dans cette moyenne. Je ne vais pas m'attarder sur les questions de risque. Ce qui est certain, c'est que on a à Marly-le-Roi des sables de Fontainebleau, ici une photo qui a été prise dans le vieux Marly, des sables de Fontainebleau qui présentent des propriétés de cohésion qui finalement sauvent pas mal les choses par rapport à la stabilité des murs. C'est-à-dire que d'une manière générale, le dimensionnement pourrait être considéré dans l'état actuel de nos connaissances comme un peu audacieux, mais la cohésion dans le sable de Fontainebleau explique sans doute pourquoi ces murs ont tenu aussi longtemps dans l'état que l'on voit actuellement. Et les pathologies, ce sont plus des pathologies de type local, avec là par exemple comme un éventrement d'un mur pour des raisons qui sont probablement hydriques, et là j'en arrive à ma dernière diapositive, que du basculement généralisé. Alors néanmoins, dans la route de Bacchus ici, prise en février 2015, on aperçoit un bombement qui met en évidence la question de l'entretien, parce qu'il est évident que si les racines des arbres ou l'eau est mal, donc peut avoir un rôle sur ces murs, où l'eau est mal drainée derrière les murs, soit parce que par exemple les ciments ont été refaits et sont moins perméables, il peut y avoir ce type de phénomène de bombement sans que ça remette en question le dimensionnement. Donc quand c'est trop tard, on en arrive à la situation suivante. Ceux qui ont été dans le parc récemment ont vu ces étaiments. Et donc, on peut se poser la question, on va devoir refaire un mur pareil, parce qu'on ne peut pas rester dans cette situation-là pendant trop de temps. Et donc, en conclusion, je me pose la question, comment sauvegarder le patrimoine géotechnique, une notion qui n'existe pas encore, patrimoine géotechnique, non seulement la fonction, ici, permettre le passage de véhicules vers le haut du parc, mais également le procédé, c'est-à-dire conserver le fait que si un mur a été fait en pierre et en mortier, on ne le refasse pas en béton armé, parce qu'un jour, le témoignage technique de ce mur ne sera plus là pour les générations qui voudront étudier ces périodes. Merci de votre attention.